attention, bien pour fermer. Chante. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Attends, tu n'y vas tout, tout bien. Yeah.